Les flammes montent, la basse tremble déjà. Les vieux s'excitent, c'est la guerre qui commence là. Arrête surprise, les plans s'effondrent vite. Mais Raiders, qu'elle est là, le boss, la dynamite. Le ciel s'embrase, la nuit devient flamme. Les cris de la foule résonnent dans la trame. Chaque pas résonne, chaque souffle compte. La bataille commence, aucun retour, aucun doute. Je suis en première ligne, la pioche à la main. Un allié meurt, mais je suis pas loin. Les explosifs claquent, les murs s'effondrent. La base ennemie, on la plie, on la sonde. Les tourelles tirent, mais j'esquive agile. Un coup de fusil, je suis hostile. Les viewers gueulent, spamons les ordres. On avance, on frappe, on casse les accords. Le vent porte les balles, la poussière danse. Chaque coup porté avance la cadence. On est des guerriers, des rois du chaos. Raiders qu'il mène, c'est le héros. C'est la fête du raid sous les cendres et la poussière. All Rust est un combat, une danse guerrière. Revue Raiders qu'il mène, la victoire est proche. On pille, on détruit, on fait sauter la roche. L'adrénaline monte, le loot est royal. Donne nos cris résonnent dans ce chaos brutal. Les flammes s'élèvent, le sol tremble fort. Dans cette folie, on écrit notre sort. Je saute sur le toit, lance une grenade. Les ennemis paniquent, la base est en rade. Un feu d'artifice, explosion en rafale. Mais je suis toujours debout, je fais le festival. Les pièges s'activent, les balles fusent. Le chaos règne, personne ne s'amuse. Mais Raiders qu'il rit malgré la douleur. Car la guerre est une fête, une valeur. Les en délire, encourage la folie. Chaque minute compte, chaque action est une partie. On pousse, on braque, on fonce, on explose. Dans Russe, chaque raid est une overdose. C'est la fête du raid, sous les cendres et la poussière. All Rust est un combat, une danse guerrière. Tu Raiders qu'il mène, la victoire est proche. On plie, on détruit, on fait sauter la roche. L'adrénaline monte, le loot est royal. Donne nos cris résonnent dans ce chaos brutal. Les explosions fusent, les cris résonnent. Le chaos règne, mais la fête tonne. Le sol tremble, les murs craquent. Les ennemis fuient, la base claque. Je prends le contrôle, le boss est là. Mais Raiders qu'il n'a pas peur de ses pas. Les viewers hurlent, la victoire est proche. Les cris s'enchaînent, la fête débloque. Un dernier coup, un ultime feu. Et la base tombe, c'est notre jeu. Le rythme est fou, la nuit est chaude. Le raid s'achève, mais la fête explose. Chaque loot ramassé, chaque coffre ouvert sont les trophées d'un combat sévère. Je construis des tours avec des déchets. Un faux pas et tout est arrêté. Le vent murmure, les balles dansent. Dans cette île où règne la démence. Les dreadlocks volent, la foule acclame. Raiders qu'il mène la danse infâme. Chaque plan foire, chaque piège claque. Mais on continue, on garde la plaque. Le chaos est roi, la nuit est reine. Dans Rust on célèbre cette arène. Le feu crépite, les ombres dansent. Chaque victoire est une transe. Le soleil se lève sur des ruines fumantes. On se vivant dans ce lame flamboyante. Les armes se rangent, les esprits s'apaisent. Mais Raiders qu'il sait que la guerre se promène. Les viewers chantent, la soirée continue. Rust est une fête, jamais elle ne s'éteint. On prépare le prochain combat, la prochaine folie. Car dans ce jeu, chaque instant est vie. Le vent souffle, la mer se calme. Les batailles cessent, c'est un nouveau drame. Les flammes s'éteignent, mais pas notre feu. Raiders qu'il est sa team, toujours en jeu. On rit, on pleure, on rage, on vit. Dans Rust, chaque instant est une folie. Le calme avant la tempête revient. Mais on sait que bientôt ça repart enfin. C'est la fête du raid, sous les cendres et la poussière. All Rust est un combat, une danse guerrière. Raiders qu'il mène, la victoire est proche. On pille, on détruit, on fait sauter la roche. L'adrénaline monte, le loot est royal. Nos cris résonnent dans ce chaos brutal. Le chaos règne, le soleil brûle, la fête continue. Même quand tout s'écroule, les rires fusent, la nuit s'enflamme. Rust et Reggae, le duo qui clame.